The Aldrich Arena, How Maplewood. Chua Lu, Ju Guo Leo Friday. Tia, Ju Gia Leo Saturday. Chua Dao Su, Yo Sabon Zi, Mu Shai Taho Internet, The Ramsey Recycles.com/HHW. Leo Hu Dao, Dao Chi Yi, Dao Bei Bei, Bei O Xia Chua. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul et en ligne sur KFAI.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons, à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com et sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook. You're listening to Fresh Air Community Radio. KFAI 90.3 FM, Minneapolis, St. Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing for Pledge Drive. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Adrien, bonsoir Freddy. Bonsoir Romain, comment ça va? Bah, ça va très bien. Bien. Comme un mardi soir. Ouais. Yes. Yeah. Ça marche mieux quand mon micro il est ouvert. Yeah. I am. Mic is on. That's good. I mean, you're still learning. Well, I'm still being distracted and that's not going to change. But that's okay. There's medication for that. Yeah. Which I take. Yeah, but maybe you should take less. Or more, yeah. Just more often or whatever. Yeah, tonight's Pledge Drive night. So, yeah. And this week, actually this fall, instead of like having only one night, we have two. So next week is still going to be Pledge Drive. Yay. The difference is this week I have prepared a selection of songs about money in general. And like a lot of songs about money is not making happiness or, but whatever, don't listen to the lyrics. That reminds me of a quote by Arnold Schwarzenegger, where he said, money, that's true, money doesn't make happiness, Last year I had 40 million. I was not less happy than now that I have 50. That's true. Yeah. That's probably true. If I had 40 million, I probably would be a little bit happier. But not necessarily less happy than the following year when you have 50 million. That is true. Maybe not less. Yeah. So a lot of songs about money and the fact that, you need to be given what you have. And yeah, especially to KFAI. Especially to KFAI. And given in a way that, like, for us, it's giving to the community. Yeah. So it's a good giving. Yes, it's for the common good. Exactly. So next week, however, we're going to probably mix or do a special Halloween, because that's going to be the show before Halloween. Yeah. So some scary songs and things like about that. Scary songs about money. That could be scary depending on your bank account level. Yeah. It depends. All right, so yeah, that's about it. So we're going to get moving and remind you that you can give money. So there's nobody on the phone for us because we are kind of on the late side. And, really on the phone, they are not doing anything different that you would on kfai.org, which is entering your information and then entering your credit card information or things like that. You can give as little as $5, but the membership is like around 35. And that's the beginning of the premium too. Like 35 is where you can get a sticker. Yeah, and for 90.3, just like the radio frequency, you can get a t-shirt. Nice. With a new logo for this year, which is actually really intricate and really cool. It is really cool. So you can probably see that on the website. Mm-hmm. And a hoodie for 160 if you can give that much. And and if you can't, you may not be able to dish out 160. But if you can, please do it. But if you can't, you can also split it. I mean, like you can... you can become also a sustaining member. Yeah, that would... Yeah, that's what you would be, a sustaining member. So you divide that, the 160 by 12. And it's... I just had to do it. And it's $13.33 per month. Right. So here you go. That's like, about three lattes? Three lattes these days. Yeah. Cheap lattes. Or two beers. Two beers in the Twin Cities. Yeah. Two beers. Or one in New York. There we go. That's one cappuccino in New York. Half one in Paris. En terrasse. That's true that in Paris you pay more money if you're outside. Than if you are inside. I'll tell you what, it's a lot cheaper to give to KFAI doing Pledge Drive than it is to go to Paris. Yes, and you get some music that you probably wouldn't hear in Paris. Anyway. Because you wouldn't spend enough time. Yes, you'd be running around and things like that. So just listen to Bonjour Minnesota and French Influences and you'll be set. Or even better, you can go to Paris and listen online. So you listen to KFAI. Yeah. So we're going to start with Rissé Barrier. Ah, I was going to ask. You don't need to. I know that I was probably going to sustain like death threats if I didn't play that song. Yeah. I mean, that has become like the tradition. The staple. Yeah. And y a plus de sous, there's no more money. So we need more budget. Miss Tinguette after that with Je cherche un millionnaire. Mm-hmm. I'm looking for a millionaire. And then welcome back. All right. Okay. We're gonna make it a little bit shorter. Instead of three, we'll listen to two and then welcome back. On y va. Donne. KFAI.org for donations. Un sou, ça n'est plus un sou comme on disait dans le temps. Y'a plus de sous, papa, y'a plus de sous, maman. Les sous qu'on a, c'est des sous, mais ça n'est plus de l'argent. Autrefois, les sous, on les voyait pas souvent. Le père les cachait, il faut être prévoyant. On savait si on avait des sous ou pas en regardant la bosse qu'il y avait sous le matelas. Oui, monsieur. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut faire la comptabilité. Même le cul des poules, maintenant, il faut le calibrer. Car si on a le malheur de faire des œufs trop gros,

Et voilà, voilà. We are back. Yes, so we just listened to Rissé Barrié. Il n'y a plus de sous, il n'y a plus de sous. Il n'y a plus de sous. Il n'y a plus de sous. There's no more money, so we need your help. No, KFA is not out of money, but we still need some to sustain, to pay the bills. Pay the bills, pay the equipment, pay the staff, the very light staff, actually. Because, I mean, there's what, like 3-4 people now? Right. And we're all volunteers. The rest of it, like all day long when you listen to a show, it's volunteers. So, yeah, I think, we're all committing our time and things like that. So, so that was Rissé Barrié with Y'a plus de sous. And the last song was Mistinguette with Je cherche un millionnaire. I'm looking for millionaire. A millionaire. And I don't know if she ever found it, but... She looked for it, that's for sure. That's what we've heard. And yeah, so the reason you would want to give to KFAI are... Many. Legion. Well, first of all, you're listening to us now. So, or you're listening to the recording maybe the next day, or and it's not too late. So the pledge drive goes from October 18th, which was yesterday, to the 27th. Which is next Wednesday, right? And you always have the ability to give to KFAI.org, donate all year long. But the advantage of the pledge drive is to boost it and to really get like a budget going and the premium. So we have some premiums. And sometimes and some listeners decide to match certain gifts. And that's true. I don't know, maybe this year that will happen again. But No, we would have known by now. If. But at least you get premiums and various gifts. Yes, we still have some CDs of Wearing Thames and the new Riverside Ramblers, which will be there on November 9th. It will be on in the studio with us. Yes. So, we need your support just to listen to music, but also to have more guests and interviews and that sort of things. So, should we listen to more music? Ah ben, je veux mon neveu. All right. So, we're going to stay in the old France, the vieille France, for a little bit more. We're going to listen to Charles Trenet with the song Paye tes dettes. Ah oui. Paye your debts. And then Gilles et Julien with Dollar. There we go. Okay. Because it's still... We're taking it to the US of A. That's true. All right. Eh ben, c'est parti. On y va. Il était couvert de dettes, de la tête aux pieds. Chez lui venait faire la quête, tous ses créanciers. Et pour fuir ses personnages qui le torturaient, un jour sans faire de tapage, il partit pour la forêt. Au pied d'un arbre, il s'endormit, mais pendant qu'il rêvait, un oiseau tout en haut de lui, sur une branche lui chantait. Paye tes dettes, une, deux. Paye tes dettes, mon vieux. Paye tes dettes, c'est mieux. Ou sans ça, ça n'ira pas. Paye tes dettes, une, deux. Paye tes dettes, mon vieux. Paye tes dettes, c'est mieux. Ou sans ça, ça n'ira pas. Il se dit dans son sommeil, c'est la voix de ma conscience qui me poursuit et me surveille. Je vais à mon réveil rembourser ces braves amis qui m'ont fait confiance. Non plus jamais, je me le dis, je ne veux de crédit. Paye tes dettes, disait. Paye tes dettes, l'oiseau. Paye tes dettes, allez. Il y fut tout de go. Quel souvenir, quelle belle journée, quand il régla tout, tout ce qu'il devait depuis des années, jusqu'au dernier sou. Il se défie même de sa chemise, bon, on peut se passer de ça. Dans les bois soufflait la brise, tout joyeux il y retourna. Sous le même arbre il s'étendit, alors le même oiseau vint se poser là tout près de lui, en répétant d'un air idiot. Paye tes dettes, une, deux. Paye tes dettes, mon vieux. Paye tes dettes, c'est mieux. Ou sans ça, ça n'ira pas. Paye tes dettes, une, deux. Allez, allez, paye, paye tes dettes, mon vieux. Il faut payer toutes, toutes tes dettes. Paye, paye, paye, paye, paye, paye, paye. Dans l'instant même, il comprit que la voix de sa conscience n'était autre qu'un volatile, absurde et obstiné.

or at caprw.org. Et voilà. We are back. So yeah, we just listened to Charles Trenet avec Pay Tes Dettes, Pay Your Dues. Mm-hmm. And then Gilles et Julien avec Dollar. Très bien. I didn't know Gilles et Julien. The album is the French song, Chronique de la chanson française, volume 2011, numéro 9. Ah, okay. Then now and I it's 1932. Yeah, it's from 1932. Mm-hmm. I mean, I'm not... Yes. Yeah. I think no, but I didn't know them. No, me neither. Oh. I just discovered them because they talked about money. Yeah. Actually, I think this one might come from the Méli-Mélodi. Mm-hmm. So we are partnering with RFI, Radio France Internationale, and each month RFI had some songs. Mm-hmm. And in the past, they used to send them as CDs. And now we have to download them. And in the past, they used to have like more budget. Mm-hmm. So they had people like actually gathering songs and making themes. And there was like Méli Mélodi, who was by theme. There was 100% Français. And there was the playlist. And now there's only the playlist, mm-hmm. which is pretty much like the new stuff they are mm-hmm. gathering. Like any radio station, you know, they are getting like new promotion material. And there's about maybe like 40 a month, and maybe half of it is in French, maybe a little bit more. Mm-hmm. But yeah, Méli Mélodi, there was one mm-hmm. about money. Yeah. The theme was money. Yeah. And I think they are planning a reunion in 2022 or throughout Europe. It is possible. But if it was from 1932, they might not be in very good shape. Yeah, so, yeah. So it's Pledge Drive Night. So that's why we are talking about money and have songs about money. Yeah. More to come. The one coming is called Sacré Dollar. Mm-hmm. So it's still about dollar, and it's from a band called Les Missiles from 1963, or the Missiles. We're dusting off all that, but we're moving forward. We're getting closer. That is true. And then Charles Aznavour with Tant de Monnaie. And Monnaie is not money. It's like a false friend or faux ami. Mm-hmm. Monnaie in French is the change. So yeah. That can be called a liquide. Mais la monnaie is also currency. Yeah, that's true. Mm-hmm. But yeah, Tant de Monnaie, here in this case, I think they're talking about change. Yeah. Yep. All right, let's go and listen to Charles Aznavour et les Missiles. Pour ce petit bout de papier qui peut tout acheter, je vois faire autour de moi n'importe quoi pour toucher quelques billets. C'est vrai, tout le monde se battrait. Oui, c'est fou ce qu'on fait pour pas moi. Sacré dollar, ça me fait rigoler. J'aime mieux chanter avec ma guitare. Tant pis pour ce sacré dollar. Eh oui, tant pis pour ce sacré dollar. Elle m'avait promis de m'aimer, même à moitié fauchée. Mais d'autres avaient ce que moi je n'ai pas. Et quand brille la monnaie, c'est vrai, l'amour doit faire ses paquets. Oui, c'est fou ce qu'on fait pour t'avoir. Sacré dollar, ça me fait rigoler. J'aime mieux chanter avec ma guitare. Tant pis pour ce sacré dollar. Eh oui, tant pis pour ce sacré dollar. Pour moi, le seul vrai bonheur est au fond de mon cœur. Si l'on croit que je n'ai rien, j'ai mes copains. Et pour eux, je donnerai, c'est vrai, le monde entier sans regret. Malgré tout, tu n'as pas pu m'avoir. Sacré dollar, j'ai gardé ma guitare. Je fais des chansons avec l'horizon. Et si je les chante au hasard, eh oui, c'est pas pour toi, sacré dollar. Ce petit bout de papier qui peut tout acheter, je vois faire autour de moi n'importe quoi pour toucher quelques billets. C'est vrai, tout le monde se battrait. c'est fou ce qu'on fait pour t'avoir. Sacré Dora, ça me fait rigoler. J'aimais mieux chanter avec ma guitare. Tant pis pour ce sacré Dora, eh oui, tant pis pour ce sacré Dora. Tant pis pour ce sacré Dora, eh oui, tant pis pour ce sacré Dora. Je suis releveur d'appareils automatiques. À toutes les heures, j'ai des pièces métalliques. Je les entends qui sonnent. Écoutez-les sonner. Quand elles sont trop chaudes, c'est moi qui suis choqué. Je dois vous avouer ce que j'ai. Tant de monnaie que vraiment cela m'exaspère. Tant de money-money, avouez que c'est une mauvaise affaire. Tant de monnaie m'alourdit, maigrit le caractère, voyez. Tant de monnaie, dit le commerçant qui a le sourire. Tant de menu monnaie, vous avez cassé votre tirelire. Tant de monnaie, et je ne sais pas quoi lui dire, avouez. Chez moi, j'en ai rempli 36 bouteilles. Parfois, ça bourdonne dans mes oreilles. Je crie assez, j'en suis obsédé. Tant de monnaie à dérégler ma vie tranquille. Tant de menu monnaie que j'entends un témorifile. Tant de monnaie m'enverra un jour à l'asile, dans un asile d'aliénés. J'ai changé de métier car je me faisais trop de bile. Et j'ai accepté celui livreur à domicile. On me donne des pourboires, ça fait plaisir, je l'avoue. Mais quand vient le soir, je crois devenir fou. Car tout comme avant, j'ai tant. Tant de monnaie que vraiment cela m'exaspère. Tant de menu monnaie, avouez que c'est une mauvaise affaire. Tant de monnaie m'alourdit, maigrit le caractère, voyez. Tant de monnaie, dit le commerçant qui a le sourire. Tant de menu monnaie, vous avez cassé votre tirelire. Tant de monnaie, et je ne sais pas quoi lui dire, avouez. Oh non, ça n'est pas moi qui ai de la chance. Ce sont de la Banque de France, de beaux billets tandis que moi j'ai. Tant de monnaie que les gens m'en font le reproche. Tant de menu monnaie, me dit-on, abîme les poches. Tant de monnaie fait que mon complet paraît moche. Mon complet paraît tout usé. Et ça me rend fou, toutes ces pièces de 10 sous, ces petites pièces de 20 sous, venues de n'importe où. Et je vous le dis, entre nous, toutes mes poches ont les trous, de minuscules trous, et même d'immenses trous. Tant de monnaie que les gens m'en font leur reproche. Tant de menu monnaie, me dit-on, abîme les poches. Tant de monnaie fait que mon complet paraît moche. Mon complet paraît tout usé. Tout usé. Voilà, nous sommes de retour. Yes, still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio, started in the early 80s. Well, KFAI was started in 78, but Bonjour Minnesota was started in the early 80s. And by that time, like maybe around 84, Georgette took over the show more on a permanent basis. And she stayed until 2008, mm-hmm. until she couldn't anymore. And then her husband and Caril took over. So we just listened to Les Missiles, The Missiles, with Sacré Dollar. And after that, he was Charles Aznavour. I mean, he was not by himself, but we don't have the name of the others, with Tant de Monnaie. What year for the release? I don't know for Tant one. De Monnaie, because it says 2005, and I know okay. It's not. It's more like the 60s, I believe, like between the 50s and the 60s. So when he started to, it's coming from an album called Les Enregistrements Originaux, the original recording. Yeah, so yeah. I would say it's probably 60s. Yeah, and Aznavour is one of the greats, huh? I mean, we've been listening to really the greats with Charles Trenet. Aznavour was from Armenia, French-Armenian. He was born in Paris, composer, though. Composer, born in Paris, but from his parents were from... Yeah, and he was... immigrated from Armenia. And after very the conflict with Turkey. Yeah, and very invested in the Armenian community as well. So. Yeah. Well, he was the ambassador of Armenia to Switzerland. I didn't know that. Towards the end, yeah. All right. Well, we're going to listen to more song while we give you some time to give us some money to kfai.org. And you can donate whatever you want. And if you want to donate your car, you can as well. If you want to do some underwriting, some cards, mm-hmm. and, you know, have your company or your nonprofit or whatever you want being on the air, you know, for a spot, that's also an option. So now we're going to listen to three songs because I want them all together instead of two. And we're going to listen to Dalida. So Dalida was born in Egypt of Italian parents. Mm-hmm. And the name of the song is Si J'avais des Millions. If I had some millions. And and oddly enough, she doesn't talk about Kraft cheese or Kraft dinner. No, really? Yeah, no. Uh-huh. And then we're going to listen to two songs about Gaston, from Gaston. Ah, Gaston. Enrico Macias. Et le couscous royal, il est où? We are mentioning Gaston, and because Gaston is his real first name, but Enrico Macias is playing in a TV series called from Netflix called Family Business. And he actually plays his own role. Right. Yeah. Singer, and they are hitting him for money, so for an investment and things like that. So it's but no spoilers because he always still have that's true. They have some people watching. So yes. But something to go and check out. It's a French French TV show with a season that just came out last week. The third season. Final season. Is it the final? Yeah. All right. I'm half of the first one, so I need to cut up. They are only half hour shows. Yeah, eight episodes. Quick, very funny. Yeah. It's a lot of humor. Jewish family that is transitioning from being butcher shop to growing weed, cannabis. Yeah. All right. La so, Enrico Macias, that's gonna be le mendiant de l'amour. The beggar we'll for love. In the studio. And l'argent ne fait pas le bon. Non, c'est pas ça. Les millionnaires du dimanche is the second song. Mm-hmm. The millionaire of Sundays. The Sunday millionaires. Yay. Wow. On y va. All right. Eh ben c'est va. Parti. Si j'avais des millions, j'irais. J'étais cousu d'or, je travaillerais moins fort. Chiri, piri, piri, piri, piri, piri, piri, boum. Si j'avais quelques mini-millions, chiri, piri, piri, piri, bon, je partirais en pleine ville, une maison haute avec des chambres sans compter. Je travaillerai moins fort. Chiri, biri, biri, biri, biri, biri, biri, boum. Dieu puissant, toi qui es éternel, tu pourrais faire un petit effort. Ça changerait quoi du haut du ciel? Qu'enfin je sois cousu d'or. Chiri,

soir a fini d'allumer les étoiles. C'est le départ, la fin d'une journée agréable. Tout en parlant du dimanche suivant, chacun pense que c'est bien court de ne vivre qu'un jour d'insouciance. Les millionnaires du dimanche laissent le pain sur la planche pour une chemise blanche qui leur va beaucoup mieux. Les millionnaires du dimanche font d'une baraque en planche un cabanon sous les branches où ils sont plus heureux. Et voilà, voilà. Welcome back to KFAI. Nous sommes de retour. Bonjour, Minnesota. Yeah, and it's pledge drive. Pledge drive. Give us money. So you have until the 27th or further if you wish. Can't. Yeah, or if you wish. But yeah, trying to give a big boost. So KFAI.org will appreciate any amount and appreciate the support. Yes. KFAI.org/donate. Well, no, on KFAI.org now they swap the page. On the home on the home page they put the donation page. So easy. It's easier. That's going to be just for the pledge drive. After that, yeah, you can always all year long go to the Schlass donate. Donate, yeah. So we just listened to Dalida with Si j'avais des millions. It's from her album Le Temps des Fleurs. And it's from 67, 69. Le Temps des Fleurs was the based on this the Russian folk song that was also known in English under Those Were the Days. Those were the days, my friend. And Dalida sang it in French. C'était le temps des fleurs. Okay. Well. Yeah, nice. Yeah. Nice. Thank you for the background. Yeah. Wow. But I didn't know it was in 1967. Well, the album is from 67 to 69. So yeah. Kind of best of deal. Yeah. Mm-hmm. And then two songs from Enrico Macias with Le Mendiant de l'Amour and then Les Millionnaires du Dimanche. Mm-hmm. Yes. So KFAI.org, give us some money and we'll appreciate it tremendously and we'll keep on going. I mean, that's what we're here for. We're here for the passion, but we still need, you know, to pay the utilities and the staff and to keep the lights on. Yeah, equipment is a big deal too. Yeah. But allows us also to do some, I mean, when they have more money, they can do like some sponsor some shows or, you know, do some other things like remote broadcasting or things like that. I mean, there's, I remember like 2 or 3 years ago, they did a remote broadcast for like the Cinco de Mayo, for example. Yeah. So, yeah, fun stuff. Good, good, good. For us, we're here to play some music in French and talk about French culture and talk about the events and, you know, what's going on and sometimes have some guests for interviews. So we know that on November 9th, we'll have... The new Riverside Ramblers. Exactly, with Eric Morin. Yeah, coming to see us for sure. Yeah, it's Cajun. Cajun, music Cajun from Louisiana. Yeah, exactly. So that should be fun. Well, we gonna... They're fun guys. Yeah. Oh, yeah. Indeed. They often play, I mean, like, I don't know if they resume, but often they were playing once a month at Eagle 34. Mm-hmm. But I don't know if they resumed that past the pandemic. So now we're going to, we're still going to be in the 60s. With two songs. The first one is from Les Parisiennes, et c'est L'argent ne fait pas le bonheur. Money. Mais il y contribue. Actually, yeah. They, and in the song, they talk about it. They say money is not giving happiness, but try to talk to try to pay your bill with a smile, you know. Mm-hmm. And then we're going to listen to Eddie Mitchell with a song very, the sound is very from the 60s. You can really hear with the trumpets and the brass. And the name of the song is Fauché. Broke. Yeah. All right. On y va and welcome back. We're here until 10 o'clock. C'est parti, mon kiki. Mais je t'en chanter. Oh, tout est terminé, le présent, le passé, c'est bien décidé, on m'a laissé tomber. Je prends à témoin le ciel si lointain, on m'a oublié. Je suis fauché. Et voilà, c'était deux chansons, donc Les Parisiennes, with L'argent ne fait pas le bonheur, but try to go to a store and buy you some stuff. Les Parisiennes was some kind of a cabaret show. Okay. I think it started in the 60s. Mm-hmm. Recently, I think it was in 2018 or 2019, Laurent Ruquier produced a new version. Nice. But with the same songs, with the same style, the same still vibe. Very 60s. Yeah. And I think it was at Les Bouffes Parisiens or one of those, like, you know, nice. Traditional theaters. All right. And then after that, it was Eddie Mitchell. Who got very famous in the 60s, along with Johnny Hallyday. That was the big rival. Yeah. Eddie Mitchell and Les Chaussettes Noires, the Black Sox. Mm-hmm. And Johnny was the Chat Sauvage. Or, no, that was Dick Rivers. Dick Rivers était Les Chat Sauvage. What was Johnny's... I don't think he was in the band. Oh, yeah? Yeah, was he? Les Chaussettes Noires, Les Chats Sauvages. Why? I looked that up. Yeah, but okay. I think Johnny was in a band too. Okay. And yeah, the name of the song was Fauché, or Broke, you know. I don't have any money. Mm-hmm. So, nor do we. So, you're listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. And if you're driving, don't do it. But as soon as you stop, KFAI.org and donate whatever you can, whatever you want. And the more, the better. Yeah, maybe we should remind the premiums. Yeah, well, the KFI premiums are stickers, T-shirt, and hoodies. So, and so the price t-shirt is if you give at least $90.3. You can always give more. You can get a T-shirt, and if you give more, up to $160, you get a hoodie. Exactly. And you can go to KFAI.org and the Drive logo. Check it out. Where do I see that? Yeah. They are showing and the hoodie is pretty awesome. My charcoal, the color? Yeah, there's a charcoal one. Yeah. And the logo in the back is great. My red hoodie with the KFAI logo in the back. Yeah. It's starting to get worn out. Oh. It's because, I mean, not in the summer, but in the winter, I've been wearing it all the time. I've been putting a leather jacket underneath. And so, yeah, by the wrist, it's starting to get used and worn out a little bit. All right. Well, we're here to listen to more music about money. And the next song is going to be from Gilbert Bécaud with Ah, si j'avais des sous. From the 60s. And then we're going to listen to Pierre Perret with Tonton Cristobal. Il est de retour. Yes. Mm. And it's about an uncle who's back and have money. So made fortune elsewhere. So he's coming back with money. He's coming back as a hero, kind of. Mm. All right. Eh ben, c'est parti. On y va. Ah, si j'avais des sous, je ferais des affaires. Mais pour faire des affaires, d'abord faut savoir les faire et ensuite avoir des sous. Et pour avoir ces sous, il faut faire des affaires. Les sous appellent les sous, petits sous mis bout à bout, ça te fait une grosse affaire. Et des sous, j'en ai pas. Et je donnerais très cher pour savoir où il y en a. À Bahia, au Pérou. Mais pour aller au Pérou, ben faut des sous. C'est bien connu. Ah, si j'avais des sous, j'irais chez le notaire. J'achèterais de la terre à Narbonne ou en Poitou, où je planterais mes choux. Mais pour planter mes choux,

Et voilà, voilà. So nous sommes revenus comme Tonton Cristobal. Exactly. So we just listened to Pierre Perret with Tonton Cristobal. And the song before that was Gilbert Bécaud with Ah, si j'avais des sous. Ah, if I had some money. Yeah. And you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. And it's still Pledge Drive. It's still Pledge Drive. And I don't really mention it, but otherwise, I also have another web. I have a web show called French Influences Radio Show Therapy, and you can find it either on KFAI.org if you look at the program or on Mixcloud. And it's also French songs, but not necessarily in French. So it's a little bit different and a little bit more recent artists and things like that. So it's a pretty cool vibe. Edition 91 is coming up this coming Thursday. Typically always air on Thursday at 12, but after that it's on Mixcloud, you know, available whenever you want. And same for Bonjour Minnesota. If you miss it, you got the two previous weeks at the bottom of the screen when you go to the Bonjour Minnesota program, but now they also added the archive on the right side, so it goes back up to 2018, and if you want to listen to all the shows, you can. So that's pretty cool. All right, so now we're going to listen to more songs while you're going to KFAI.org to give us some money. The first song we're going to listen to is a cover from ABBA. It's the ABBA French cast, and we're going to listen to Money, Money, Money. Then we're going to listen to another from Eddie Mitchell. It's a duo with Arnaud, and the name of the song is A Crédit et en Stéréo. Using credit and stereo. So, on y va? C'est parti. J'ai besoin de vacances. Je m'occupe de cet endroit depuis 15 ans et j'ai pas pris une journée de congé. La nuit, le jour, je travaille dur, faut bien payer toutes ces factures. Comme c'est triste. Et malgré tout ce que j'endure, mes poches sont vides jusqu'au doublure. J'ai trouvé l'air conditionné dans l'automobile que j'ai loué. La ceinture de sécurité est en prime, on m'a la donné. J'ai fait installer la radio à crédit et en stéréo. J'ai un nouveau téléviseur avec satellite en couleur, relié au réfrigérateur qui peut aussi me donner l'heure. Ma vie se résume en ces mots, à crédit et en stéréo. Sont prélevés sur mon compte bancaire si léger. Il reste alors dans mon chéquier des chèques en bois de peuplier. Ils sont dépensés aussitôt en crédit et en stéréo. Pourtant un jour j'ai essayé de mettre de l'argent de côté. Sur la vie je me suis assuré, mais mes quittances sont impayées. Tant pis, je vais mourir idiot à crédit mais en stéréo. Là, we are back à crédit et en stéréo. With Eddie Mitchell and Arnaud. It was part of his album, like his La Même Tribu, volume 2. Yeah. And his album La Même Tribu was The Same Tribe, and basically was an album with all his success, but all his friends too. Yeah. So a lot of collaboration on this one. And then before that, it was ABBA. With a French version of Money, Money, Money. From the French version. From the French cast, The Mamma Mia, the musical. Exactly. Now, I remind you that KFI.org is available 24/7 for you to, because it's pledge drive, and it's pledge drive until the 27th. So we are able to see if you donate or not. We are watching you. But big shout out to Kelly. And thank you. Merci, Kelly. Thank you for the donation. And now we're going to listen to Patricia Cass with Regarde les riches. Look at the rich people. And then William Scheller with Rock'n'Roll Dollar. And before we play some music, I want to say what Kelly is supporting and others are supporting here is the ability to make those playlists. Yes. This is Bonjour Minnesota. This is to showcase for you some French-speaking cultures, some music that may not be easy to access otherwise, but for this show. And what's really cool is that we're able to create those playlists, to look up for those songs, to take you on a trip on different themes or different decades. Whereas, you know, on big commercial radio, it would be it would be just kind of like, well, play here and stop, because now we're gonna play the big ad to make money. But here, KFAI is listener supported, which means It's really thanks to you that we're able to play the music that we love, and thanks for being a supporter and for listening to us. And with that, live from Studio 4 with Romain, Minnesota. Voilà, with Romain and Freddy and Adrien. Et let's voilà. Not forget Adrien. De pleurer ma bleue sur l'argent qui vaut plus un clou. Arrête de dire que t'es toute seule. Ici c'est chacun pour sa gueule. Arrête de rêver que tu déprimes. C'est vrai que tu débordes ton jean. Autour de toi, tout le monde s'en fout. Arrête de pleurer, ma bleue. Regarde les riches, ils sont coiffés comme leurs caniches. Regarde les riches, ils roulent leur rôle sur la corniche. Regarde les riches, ils ne parlent pas l'anglais mais l'anglish. Regarde les riches, l'important c'est tout ce qu'ils affichent. De chanter ma bleue, ce blues des banlieues qui en fout. Arrête de ramener pour personne. Tu vois pas qu'on prend pour une conne. Arrête de lire ici Paris. Faudra retourner bosser lundi. À toi, tout le monde s'en fout. Arrête de chanter, babble. Regarde les riches, tout ce que tu aimes, ils trouvent ça kitsch. Regarde les riches, ils boivent leur café à la nuit. Regarde les riches, ils trouvent l'argent, mais pas l'artiche. Regarde les riches, l'important c'est tout ce qu'ils affichent. Regarde les riches, ils sont coiffés comme leurs caniches. Regarde les riches. Voilà. Voilà, voilà. So it was William Scheller. Yes, avec Rock and Roll Dollar. And before that? Before that, it was Patricia Cass with Regarde des Riches. She's very bluesy. Mm-hmm. Yeah, I want to do, I was saying like during the songs that I prepared like a show from West Africa, just stacking up the songs, you know. So it's ready in advance. And there's one about TV and I should do one about blues. Mm-hmm. Someone suggested jazz, but I'm afraid that we might. It's not like we're going to lack material, is that I don't have much in jazz. Uh-huh. So except for Django and Petrucciani and yeah. Grappelli. Even to some extent, Michel Jonas. And a little bit. Yeah. But I'm afraid I may not. Michel Legrand. We could probably do a whole show. Okay. Well, we'll look into it. Yes. I know that I can do that about blues for sure. That I have enough. Yeah. And blues is kind of the inception of jazz, so. Yeah. So we could do a mix? We could do a mix. Yeah. Yeah. If we don't have enough of jazz, we can do a mix and match. It's still Pledge Drive Night at KFAI, so kfai.org. If you want or can give money, you can become sustainable member and give very little each month instead of a big chunk one time. Or you can give like a lot each month, and also a big chunk one time, but that's an option. So you can also give your car. You can also advertise with us. Yeah. But that supports us, meaning like all the volunteers who are passionate about the show they are doing. I mean, the show needs to be viable. But since I've been here, it's been about 4 years, and nobody ever told me, you can play this, you can play that, you need to go more in that direction, you need to do this or do that, you know? Because they're afraid of you. No, I just recently gained weight. Before that, I was kind of skinny, so. Mm-hmm. But plus, I'm not that scary, I don't think. I think you are. You think I am? Oh, yeah. Okay. That's why I'm still friends with you, because you scare me. That's the only reason. You're afraid that I'm going to track you down. It's better and find to be you. On your, you know, on your good side. Find you and track you down, and I will find you and track you down. No, I'm not Liam Neeson. But it's having the creativity to do French influences where I can play whatever I want in any languages. And, you know, it's always these themes, but. And in Bonjour Minnesota, okay, we do the Christmas show and we're going to do a Halloween show. But it's always fun to find new songs. Yeah. Just like for the Paris Liberation at the end of August, there's so many songs about Paris that, you know, it's always, I mean, I can't do 5 years without playing the same song. So, yeah. And after that, we're completely free. So we are following the news. If one of the singer passed away, or if it's like we want to do a tribute like we did for Jean-Jacques Goldman recently last week. Yeah, and you know, some people passing away like Michel Legrand recently or some others, it's nice. Or just the new stuff. Yeah, we like that because I mean the three of us have been here for quite some time now and we miss it. And it's much easier than it used to be when I came here in 2000 because of Facebook, the internet and YouTube and that sort of things. But still, well, we like to be connected to what came out and what's popular and that sort of thing. So we share that with you. Yeah, we also play that kind of music. All right, so we're going to play more songs. And the more we go, the more recent it gets. So we're going to listen to Ma Petite Entreprise from Alain Bachoun. Mm-hmm. There's Another Crisis. And La Thune from Angèle. Ah oui. And Daryl will come back. La Thune is another word for money in French. C'est parti. On y va. Petite entreprise, connais pas la crise,

Fais partie de ces gens-là, rassurés quand les gens ils m'aiment. Et si c'est très superficiel, tout le monde il veut seulement la thune. Tout le monde il veut seulement la thune. Et seulement ça, ça les fait parler. Tout le monde il veut seulement la thune. Tout le monde il veut seulement la faille. Tout le monde il veut seulement la faille. Et seulement ça, ça les fait bouger. Tout le monde il veut seulement la faille. Et puis à quoi bon? T'es tellement seul derrière ton écran. Qu'est-ce que vont penser les gens? Mais tu les laisses tous indifférents. Et voilà, we are back. So we just listened to a couple songs. We listened to Alain Bashung, Ma Petite Entreprise. The album was released in 2007. And Angèle with La Thune from 2018. I think La Petite Entreprise was from the 90s. Yes. Like yes, originally. Late 90s. That was probably from a collection. Yeah. And... actually, it was also, that was not made for that movie, but it was the soundtrack, that Ma Petite Entreprise, to a movie called Ma Petite Entreprise by Pierre Jolivet. Oh. That was really good. I think it was with Vincent Lindon. And it's the struggles of, you know... Petite Entreprise is like a small business. Yes. And then Pierre Jolivet made the next one was La Très Très Grande Entreprise, which was also really good. Good. Or just a couple of recommendations. Yeah, another recommendation. I just watched recently a movie on Netflix called Stronghold. Oh. And Bac Nord in French. Yeah, La Bac Nord. And Bac is... Brigade de anti-criminalité. Exactly. So these are the cops. And it's about a police operation in Marseille, in the north suburb of Marseille. And it's really interesting. I mean, it's really good to see it. And it's based on... Yeah. Yeah, it's a great movie. The actors are fantastic. I like Lelouch, I like Lelouch. The other guy. I can't remember his name. His last name is Civil. Yeah. Yes. François Civil. François Civil. He's for those of you who watched 10%, Call My Agent. He's Mathias's son. Okay. Okay. Yeah, and that Camille falls for before realizing that they're siblings. Yeah. Yeah. So, spoiler alert. Oh, yeah. Well, too late. I think I saw him the first time in the movie about the cry of the wolf or something like that with the submarines. Oh yeah, that was him. The wolf skull. Yeah. The wolf skull. Yeah. Yeah. Really he was in it. Movie. Oh yeah, that was him. The main it was Omar Sy, and he was the main actor. He was. Yeah. Along with like what's his name, Django. Yes, Reda Kateb. Yeah. Yeah, that was a good movie. Good movie. The Wolf Call and Stronghold, which is a true story. Is it still on Netflix? It is. Yeah, it is still on Netflix. I mean, Stronghold is for sure. Yeah. And it's still play drive, so kfai.org if you want to give us some money. And voilà, so we're going to listen to an announcement, and then we're going to listen to MC Solar with Ben Oui and RMI. RMI, which means... Revenu minimum d'insertion. Thank you. So it's a blank time. And that's also by MC unemployment Solar. Mm-hmm. In France. Voilà. No, RMI is more like welfare. I'm sorry to correct you. Yes. That's really like welfare. It's like 750 euro per month, and that's like the minimum. To survive after the unemployment run out. Yeah. Yeah. So, okay, let's listen to an announcement and then we'll be back. C'est parti. After MC Solar. Programming on KFAI is supported by Southside Pride Monthly Newspaper. Locally owned and operated, Southside Pride supports the racial and cultural diversity of the many neighborhoods that make up South Minneapolis. More information is available at southsidepride.com. Support comes from Twin Cities PBS and the St. Paul and Minnesota Foundation, presenting the 2021 Facing Race Awards, honoring community members who challenge racism and push for justice and equity. October 24th, 7 p.m., tpt.org/facingrace2021. Je m'en veux de moi. Il faut qu'il me traite en nana. M'habille dans des vêtements de soie, comme si j'étais fille à papa. Je ne veux pas de bandana, mais faire mon shopping chez Prada. Jusqu'à maintenant j'ai pas cela. Je peux montrer le rivage, faire des châteaux sur la plage, découvrir les paysages que m'a montré Pierre Ponte. Ou être un peu moins sage, pour toi la fille à la page, et dégrafer ton corsage si de moi t'as pas honte. Être plus sauvage, casser les barreaux des cages, si tu le veux je m'engage à soulever de la fonte. Chez les gars de ton âge, beaucoup doivent avoir la rage, est-ce que tu leur dis dégage, ils n'ont rien dans leur compte. Bah oui, j'aime la fausse fourrure, le 24 carats, les bijoux et leur cure. Bah oui, t'aimes la fausse fourrure, le 24 carats, les bijoux et leur cure. Bah oui. J'aime la fausse fourrure, le 24 carats, les bijoux et l'or pur. Bah oui. T'aimes la fausse fourrure, le 24 carats, les bijoux et l'or pur. C'est sur l'apparence que je mise, je consomme façon campus. Si je veux être comme Paris Hilton, vous entendre dire elle est bonne. Tous les deux jours faire des brushing, faire la couve de son magazine. Jusqu'à maintenant j'ai pas cela. Charmant n'existe pas. On dit que tu veux de l'or, accumuler les trésors. Il t'envoie dans le décor ceux qui n'ont que du bronze. Et quand le type t'appelle pendant les jours de soleil, là tu te la joues rebelle et lui répond je bronze. T'es belle et t'as du charme et devant toi il se pâme. C'est ma nana, c'est ma fameuse, c'est ma vie, c'est ma gonze. T'as gratté des tacos, t'as que des onze. Et pour la rendre belle maintenant il vit comme un bonze. À ce qu'on raconte, partout tu te la racontes. Et tu montres tes belles montres à tous les laissés pour compte. Il est vrai que t'es classe, mais t'es comme le plexiglas. Et si ton cœur est de glace, et ben j'attends la fonte. S'il te plaît, fais gaffe, parce que parfois c'est un taf. Si quand dans la rue tu marches, tu entends des tumultes. Est-il vrai qu'à chacune de tes idylles, tu ne cherches pas le style, mais toujours les grands comptes. Bah oui, j'aime la fausse fourrure, le 24 carats, les bijoux et l'or pur. Bah oui, t'aimes la fausse fourrure, le 24 carats, les bijoux et l'or pur. Bah oui, j'aime la fausse fourrure, le 24 carats, les bijoux et l'or pur. Bah oui, t'aimes la fausse fourrure, le 24 carats, les bijoux et l'or pur. Bah oui. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. T'aimes la fausse fourrure, le 24 carats, les bijoux et l'or pur. Bah oui. Bah oui. T'aimes la fausse fourrure, le 24 carats, les bijoux et l'or pur. Bah oui. Viens faire un tour dans ce que l'on appelle le ghetto. La piste dans l'ascenseur si tu daignes quitter ta mère. Go, on a l'humeur foncée. Je vois des mecs foncer dans la nuit pour chasser par des Peugeot bleus foncés. Là-bas le taux de chômage n'est pas truqué, je vois tellement de gens qui ne font rien juste en bas de chez toi. Je peux même te donner des chiffres au pif. 16, 64, 33, pastis et 8, 6. Les hautes autorités ont vite constaté que dans la cité il n'y avait plus d'autorité. Les caïds paniquent, les femmes flics, flics. Ici les droites te permettent de faire des triples flips. Des gens se battent à coups de batte, casse des puces. Les sauvages en deviennent sauvages et en veulent toujours plus. Certains disparaissent, stress ça fleurit. D'autres business avec le diable et vite leur tombée fleurie. Échec scolaire, des cailles de la pègre, des loups contre des zèbres. Demande à Claude Allègre. Les profs sont pour rien dans tout ça. Il faudrait qu'on les écoute, certains veulent juste du sparadrap. Sans face et si c'est prophétie, apocalypse. Dans la cité de la bête j'habite au 666. Chaos, c'est le chaos, le chaos SOVO. La BO en VO d'un fléau, les gars collatéraux. C'est pour les quartiers chics comme pour les quartiers chocs. Les blocs, dans nous vivons les pommes, les gars collatéraux. C'est pour les quartiers chics comme pour les quartiers chocs. Les blocs, dans nous vivons les pommes, les gars collatéraux. C'est pour les quartiers chics comme pour les quartiers chocs. Les blocs, dans nous vivons les pommes, les gars collatéraux. C'est pour les quartiers chics comme pour les quartiers chocs. Les blocs, dans nous vivons les pommes, les gars collatéraux. L'homme laisse l'homme en détresse, SDF dans le ZEF. Pour le bénéf, rien pour l'UNICEF, en bref. Il connaît pas nos tables de ping-pong. Nos murs, les arts, art déco, tendance Viet Cong. Violence gratuite, coup de pression pour une pression. Et si tu hausses le ton, après l'oppression vient la répression. Honnêtement, tu risques de partir bêtement pour un vêtement, instantanément et se sent testament. Alors on t'iscaille, porte au vodka s'use. Bélaise, jean, fils, use, donne force et science infuse. Je vois tellement de vices que les fils du fils m'appellent le Dixa. Issa, Mista, Issa, quand il dit ça, Fissa, Fissa. Les autres sont comme des arbres, on est là pour les scier. Troisième illié, s'en va scier, sortir la scier. Ensuite on braque un type avec un P38 à 8. On prend la fuite, on squitte et ça incite suite. Parfois je pense au temps où on bouffait des pipes à sol. Au premier de Rémi Fassol, au collecte d'Action École. Au Rubik's Cube, bateau, gaz, Space Invader. Montre calculatrice, Betamax, les jeux de 20h, boule magique. Basket, Trick, Street, V2000. Mais pour nos l'an 2000 et qu'une autre, un ébé sextile un autre. Et s'il y a naufrage, on prie pas la pote. Dans l'œil, on n'a pas de poutre, yo, on nage dans la côte. C'est pour les quartiers chics comme pour les quartiers chocs. Les blocs, dans nous vivons les pommes, les gars collatéraux. C'est pour les quartiers chics comme pour les quartiers chocs. Les blocs, dans nous vivons les pommes, les gars collatéraux. C'est pour les quartiers chics comme pour les quartiers chocs. Les blocs, dans nous vivons les pommes, les gars collatéraux. C'est pour les quartiers chics comme pour les quartiers chocs. Les blocs, dans nous vivons les pommes, les gars collatéraux. Troisième millénaire à la recherche d'un idéal. Le cash est le bienvenu et ça même si le sac est sale. Il change la pisse en eau pure, la pollution en air pur, le béton en Côte d'Azur et l'autre chez toi en Saumur. J'ai vu des rastas utopistes extrémistes hardcore se délecter des pieds tirés d'un corps de porc mort. Matérialiste, on se pousse tous pour du flouz. Cours, dire à ta mère que c'est le retour du blues. Même sans risoli, on sait que la vie est une loterie. Rarement elle te sourit, souvent elle te trahit. Et ça suffit pour que les gens fassent des amalgames. Parlent de notre réalité comme une compilation de drames. Un peu comme si ici on ne faisait que souffrir. Pire que depuis des décennies, y'avait pas eu un sourire. Sais-tu qu'ici un gros salaire c'est le SMIC. On peut même pas se payer une mort tragique sur le titre. C'est pour les quartiers chics comme pour les quartiers chocs. Les blocs, dans nous vivons les pommes, les gars collatéraux. C'est pour les quartiers chics comme pour les quartiers chocs. Les blocs, dans nous vivons les pommes, les gars collatéraux. C'est pour les quartiers chics comme pour les quartiers chocs. Les blocs, dans nous vivons les pommes, les gars collatéraux. C'est pour les quartiers chics comme pour les quartiers chocs. Les blocs, dans nous vivons les pommes, les gars collatéraux. Et voilà, nous sommes de retour. Just listen to some fresh MC Solar with RMI and Ben oui, voilà. Donc, Well, we're on pledge drive and we're on a roll actually to go and we have a few more songs coming your way. It is 9:45 here in the beautiful Twin Cities. And I thought you were going to say Beautiful Studio 4. Yes, but. Yes, I was going to say Beautiful Studio 4. And, you know, you guys are here. So it's comfortable. We're ready before Balkan Jamboree at 10 p.m. tonight with Nikolai. So we have a few more songs. We are also going to play a couple announcements. And follow us on Facebook and Instagram and Twitter. Voilà. And you have until October 27th to support KFAI, to support Bonjour Minnesota. You can go online at kfai.org and donate whatever you can. Thank you. So what are we going to listen after that? We'll listen. Do you want me to tell you? We'll listen to some announcement, to some Freddy Le Titi Ideal, Charlie Bell, and to the Rita Mitsuko. Charlie Bell with Donnez-moi du fric, give me some cash, give me some. What? How would you translate fric? It's bread. Slang. Bread. No, fric is not

c'est chic, chic? Est-ce que c'est chic ou simplement ordinaire? Est-ce que c'est chic, chic d'être populaire? Est-ce que c'est chic ou simplement ordinaire? Est-ce que c'est chic, chic? Aux fiches. Tu le sais ma biche, si j'étais riche, je serais pas sous le Porsche à vendre du chichon. Je roulerais en Porsche si j'avais du pognon. T'as juré sur ta vie et pour des thunes tu m'as trahi. Une femme sous influence, c'est comme un lascar qui dépense. On vit dans la même France, mais dis-moi à quoi tu penses. Je sais je suis un barbare, appelle-moi Attila le 1. Excusez-moi messieurs si je vois ma vie comme celle d'un chien. Si j'étais riche. Si t'étais riche. Ma maladie, ma love story. Une bague au doigt et je t'emmène à la mairie. Si tu me suis pas, je me fais haraki riche. Quand je serai riche, à 60%, y aura de la thune même pour mes petits-enfants. Ah, si j'étais riche. J'ai refait mes ratiches et je roule en merceau. Quand je filais ton fiche. Quand je filais ton fiche, je fais au McDo. Oui, oui. Si j'étais riche. Si j'étais riche, oui, je suis pas riche, mais je suis pas riche. Et moi, je suis des classes moyennes, ni bas ni haut. Je ne connais plus la chaîne du compte à zéro. Hey, je suis riche. Elle est riche. Ah ouais, oui. Tu la seras riche sème. Aussi grâce à la tes mots. Sème. Tu seras riche dans Gineco. Oui. Tu seras riche grâce à tes mots. Tu seras riche. Digi, digi, digi, digi, yeah. Et tu t'en fiches. Tu te balades sur M6. M6, c'est riche. Ooh. Oui. Un petit bonjour à la grange aux belles. Depuis un moment qui m'appelle pour dire en rap quelques mots aux gars, voilà, hey oh. Tu seras riche, digi digi digi digi, j'ai digi digi déco. Ouais. Ok. Quand je serai riche, c'est fini. Quand je serai riche, quand je serai riche, c'est fini. Et voilà, quand je serai riche, c'est fini. Ah, so we just listen to a, few songs. Quand j'étais riche, s'il vous plaît, s'il vous plaît. We're making faces to distract Adrian. Voilà. We now have. He's very easily distracted. Especially that makes when our job much easier. I was going to say, we now have Nikolai from Balkan Jambare in the studio for. Voilà. And we just listened to a couple songs. We listened to Rita Mitsuko, we just listened to that one with Doug Gineco, voilà, Romain. Et before that, we listened to Charlie Bell, Donnez-moi du fric. Donc and that's actually excellent. Le mot de la fin. Please, donnez-nous du fric. Give us some dough. Yes. Because we are still at the beginning of the pledge drive, which will end on the 27th. So not tomorrow, but next Wednesday. Yeah. So you have time, but the earlier, the better. But don't delay it. Just yes. Pick up the credit card and... I was going to say call us, but no. No, don't call us. No. Go to kfai.org. Yeah, there is some great premium. Go check it out. And thank you. Thank you for your support. This means a lot to us. Yeah. We'll be here next week. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Voilà. Bonne semaine. And we'll be in the studio next week. Yes. And we will leave you with I Am, with Monet de Singe. C'est parti. People had the right to control their lives and to control their destinies. You can beat me or jail me, or even kill me. On ne les voit pas là où on passe de branche en branche. Ils veulent que nos vies se déplacent en rang. Surtout pas que leur et nos mômes dansent ensemble. Le pire, s'amourachent et se fréquentent sans soupir. Ils prennent nos grosses basses pour des tambours de guerre. Alors ils nous la font, perchés sur le mic, on observe. Et ça les énerve, tout ce qu'ils attendent c'est qu'on nous muselle. Et qu'on rentre dans leur rang, si possible à grands coups de paix. Je ouais. sais, je vis de petits riens, leur gueule de petit saint. Veulent que moi, le petit saint, je devienne un petit chien. Alors qu'ils fassent le beau, donne la patte et la ferme sans dire un mot, il rapporte.